Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Suite de notre série sur l'humour. Approchons enfin de près la notion d'ironie, puisque cette notion est souvent apparue cette semaine au fil de nos analyses. Quatrième épisode, l'ironie est-elle toujours drôle ? Eh bien, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que la réponse est plutôt non. Il est même rare que l'ironie soit franchement drôle, en tout cas qu'elle fasse rire à gorge déployée. Car l'ironie a d'autres objectifs, installer une distance critique, dénoncer. Quand elle arrache un sourire, c'est souvent de surcroît. On salue alors la bataille gagnée par l'ironie contre sa cible. On a un certain plaisir à voir cette cible à terre, surtout si elle était imposante, intimidante. Héron, dans le théâtre grec antique, était un personnage qui apparaissait assez faible et démuni, surtout face à un autre personnage appelé Alazone, fanfaron, voire imposteur. Héron ne se mettait jamais en avant et appréciait même de s'auto-dévaluer, troublante figure de faiblesse qui s'avérait forte. C'est ce contraste qui pouvait créer du comique. Voyons ce que nos invités, excellents connaisseurs des procédés ironiques, ont à nous apprendre de leur subtilité. Avec eux, nous allons voyager, vous verrez, dans l'univers de Balzac et de Flaubert. Bonjour, Laëlia Véron. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en stylistique et langue française à l'Université d'Orléans. Vous avez fait votre thèse sur le trait d'esprit chez Balzac et vous avez écrit un article très clair et stimulant sur la notion d'ironie dans l'ouvrage dirigé par Mathieu Letourneux et Alain Vaillant, L'Empire du Rire, 19e-20e siècle, paru en 2021 aux éditions du CNRS. Et bonjour Alain Vaillant, justement. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature française à l'Université Paris-Nanterre. Outre l'ouvrage que je viens de citer, que vous avez co-dirigé, vous êtes l'auteur de « La civilisation du rire », paru lui aussi aux éditions du CNRS en 2016. Et vous êtes un spécialiste de Flaubert. Vous avez écrit notamment « Le veau de Flaubert », paru chez Hermann en 2013. « Le veau » faisant référence à ce « nouveau » qui, au début du roman « Madame Bovary » arrive à l'école. C'est Charles Bovary, celui par lequel nous découvrons que nous sommes souvent des veaux. Le désengagement de Flaubert est en fait l'engagement furieux contre sa famille d'un homme qui se croit lésé parce que son père, pense-t-il, l'a déshérité au profit du fils aîné. Il se revanche de l'esprit d'analyse qui était l'esprit du bourgeois de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, et qui lui a, en quelque sorte, empoisonné la vie, parce que cet esprit tend à réduire à des pulsions élémentaires les grands mouvements que lui aurait voulu être des générosités. Il a horreur du bourgeois, parce qu'il est lui-même bourgeois, parce que son père était bourgeois. Il a donc, si vous voulez, une telle attitude contre une classe à travers sa famille qu'il n'a jamais fait que se battre contre elle et que ses livres, en apparence objectifs, sont en vérité des manœuvres sournoises pour détruire toujours tel ou tel élément qu'il a opprimé dans l'enfance. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Et c'était Jean-Paul Sartre que vous entendiez. un extrait d'une conférence de Sartre à propos de sa somme consacrée à Flaubert, L'idiot de la famille, plusieurs volumes, parus en 1971 et 1972. Alors je sais bien, Alain Vaillant, qu'aujourd'hui, les analyses de Sartre sur Flaubert ne font pas toujours l'unanimité. Néanmoins, ce propos qu'on vient d'entendre de lui, de Sartre, ne définit-il pas assez bien l'ironie? Il dit en effet, Sartre, que c'est qu'il y a chez Flaubert un désengagement qui est une sorte d'engagement. Oui, si on en reste à ce couple, ça définit très bien effectivement l'attitude de Flaubert, qu'on pourrait résumer ainsi. Effectivement, son ironie à l'égard du bourgeois, son mépris de la société bourgeoise, est un désespoir en réalité qu'il exprime dans son adolescence par des énoncés à pulsion suicidaire. Mais on ne peut pas passer sa vie à haïr le monde, à le détester. Et la question de Flaubert est de convertir en art le rire à l'égard du monde. Alors, j'ai une autre citation qui est de Flaubert lui-même. Ce qu'il veut, c'est l'acceptation ironique de l'existence, sa refonte plastique et complète par l'art. Le problème de Flaubert écrivain est de faire une œuvre d'art avec de l'ironie. Et se moquer du monde n'est pas un geste artistique. Alors ce problème-là, d'ailleurs, c'est pas seulement celui de Flaubert, c'est celui de beaucoup d'écrivains de sa génération, et j'ajouterais Baudelaire. C'est pourquoi je serais plus prudent pour la dimension strictement intime et psychologique de Flaubert. Alors, c'est donc, si je vous entends bien, un écart critique que réalise l'ironie flaubertienne notamment. Écart critique, là il y a Véron qui finalement est le cœur de l'ironie depuis toujours, depuis Socrate, qui est la figure emblématique, qui restera pour longtemps d'ailleurs le modèle de l'ironie pour plein de modernes. Écart critique, mais Alain Vaillant vient de préciser, ça ne suffit pas pour créer de l'art. Il faut compléter cela par une dimension esthétique qui est peut-être plus énigmatique. Le problème, c'est que l'écart, la distance, l'ironie, c'est aussi ce mouvement de distance, de ne pas adhérer complètement à ce qu'on dit ou à ce que dit l'autre. Est-ce que ça suffit effectivement pour créer? Parce que créer suppose un contenu, et l'ironie, c'est peut-être toujours remettre en cause ce contenu, dire soit qu'il n'est pas suffisant, soit qu'on n'y adhère pas complètement. Donc effectivement, il y a priori un paradoxe entre le contenu qui suppose une certaine stabilité, quelque chose d'achevé, et l'ironie qui va être ce mouvement perpétuel de remise en question de ce qui est dit ou de ce qui est créé. Donc tout est dans la manière, et donc je vous propose d'aller tout de suite chez Flaubert. Flaubert, maître de l'ironie. Quand même tout de suite une question avant qu'on l'écoute, qu'on entende un texte de Madame Bovary. Alain Vaillant, dans Madame Bovary, est-ce que l'ironie flaubertienne touche autant Emma que Charles Bovary, que Monsieur Homais, le pharmacien? Ou est-ce que vous diriez qu'il y a une cible privilégiée et qu'à l'inverse, il est plus proche de certains personnages? Oui, la notion de cible est une question absolument essentielle. Il y a deux types d'ironie. L'ironie qui a une cible. Socrate, c'est le sophiste. Alors, dans Madame Bovary, c'est Monsieur Homais la cible. Mais s'il n'y a pas de cible à l'ironie, si on vise la vie elle-même, si on vise l'amour, le réel lui-même, on ne peut pas se contenter d'ironiser. Et la question, effectivement, dans Madame Bovary, c'est que d'un côté, il y a une cible ironique classique, à la Voltaire, si vous voulez, qui est Monsieur Homais. Oui. Et puis, il y a l'amour tel que vécu par Madame Bovary et Charles Bovary. Et forcément, Flaubert, dans ce cas-là, est partagé entre le désir de se moquer, en quelque sorte, de leur attitude, et en même temps, une forme d'adhésion, de compassion, d'empathie à l'égard de ces deux personnages. Il n'a pas plus de sympathie parfois pour Charles qui regarde Emma dans ses désirs de femme de province qui cherche un amour sur un mode caricaturalement romantique. Est-ce qu'il se moque autant de l'inconnu? À l'inverse, est-ce que c'est plutôt Charles qui est ridicule, mal habillé, gauche? Il y a une préférence chez En tout cas, il y a quelque chose de remarquable dans son rapport à Charles, c'est que Charles Bovary qui se présente effectivement comme une sorte de comme d'homme mal dégrossi, sans aucun charme, va devenir le véritable amoureux, puisque à la fin, il meurt d'amour. Tandis que Madame Bovary se suicide, ce qui est plus facile tout de même pour mourir. Et donc le véritable amoureux du roman, effectivement, plus que Madame Bovary qui a lu des romans, donc qui avait des modèles, c'est Charles Bovary qui découvre l'amour en lui-même, et cet amour animal, cette animalité bovine, qui est vraiment le grand fantasme de Flaubert. Alors, on est bien d'accord, Alain Vaillant, c'est pas très drôle, l'ironie flaubertienne. Ça dépend, Ah, j'adore que ce soit la spécialiste de Balzac qui vienne défendre Je ne suis pas sûre qu'Alain Vaillant pense que c'est toujours... C'est moi, des moments, ça me fait mourir de rire. Enfin, la conversation de Charles qui est plate comme un trottoir sur lequel on marche. Enfin, c'est quand même très drôle, la parodie justement du romantisme à la Lamartine. Hein. Flaubert qui disait que Lamartine était un robinet et qui parodie Lamartine. La scène des commissaires agricoles où il y a une alternance entre des déclarations d'amour romantiques, hypocrites de Rodolphe et les animaux qui sont mis à prix, c'est drôle. Il y a les deux à la fois. Oui. Il faut rire et pleurer à la fois. Oui. Alors, il y a des phrases de Flaubert très explicites où le rire n'empêche pas les larmes et la tristesse au contraire. Et moi, quand je lis Flaubert, il y a des jours où j'ai envie de rire et des jours où j'ai envie de pleurer. J'avoue que quand j'étais plus jeune, j'avais plus tendance à rire et qu'à mesure que les années passent, je suis plus sensible au désespoir flaubertien. Il y a aussi quelque chose comme ça dans l'évolution à la lecture de Flaubert. Est-ce que vous venez de faire référence à une lettre de Louise Collet de Flaubert de septembre 1852, eh bien je cite cette phrase: dans ma troisième partie, la troisième partie de Madame Bovary, qui sera pleine de farces, je veux qu'on pleure. Il faudrait donc allier la farce et le rire à une forme de pathétique, de tristesse. C'est cet alliage qui est peut-être passionnant en premier lieu chez Flaubert. Je vous propose donc d'écouter la lecture d'une scène fameuse. C'est juste avant le bal. Charles et Emma se préparent. L'un a honte de l'autre. Enfin, c'est pas très clair. Vous me ferez l'analyse du texte après. Les dames, ensuite, montèrent dans leur chambre s'apprêter pour le bal. Emma fit sa toilette avec la conscience méticuleuse d'une actrice à son début. Elle disposa ses cheveux d'après les recommandations du coiffeur et elle entra dans sa robe de barège, étalée sur le lit. Le pantalon de Charles le serrait au ventre. « Les sous-pieds vont me gêner pour danser, » dit-il. « Danser ?» reprit Emma. « Oui. » « Tu as perdu la tête. On se moquerait de toi. Reste à ta place. D'ailleurs, c'est plus convenable pour un médecin, » ajouta-t-elle. Charles se tut. Il marchait de long en large, attendant qu'Emma fût habillée. Il la voyait par derrière, dans la glace, entre deux flambeaux. Ses yeux noirs semblaient plus noirs. Ses bandeaux, doucement bombés vers les oreilles, luisaient d'un éclat bleu. Une rose à son chignon tremblait sur une tige mobile, avec des gouttes d'eau factice au bout de ses feuilles. Elle avait une robe de safran pâle, relevée par trois bouquets de roses pompons, mêlés de verdure. Charles vint l'embrasser sur l'épaule. « Laisse-moi !» dit-elle. « Tu me chiffonnes !» On entendit une ritournelle de violon et les sons d'un corps. Elle descendit l'escalier, se retenant de courir. Les quadrilles étaient commencées. Il arrivait du monde. On se poussait. Elle se plaça près de la porte, sur une banquette. On se demande, dans cette scène de Madame Bovary, sur le roman de Flaubert de 1857... qui parle? C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, vous l'avez sans doute entendu, nous avons trois voix de membres de l'équipe d'Avec Philosophie qui ont essayé de lire ce texte à plusieurs voix, mais c'est une vraie question de fond. Lorsqu'il écrit Flaubert, le pantalon de Charles le serrait au ventre, ce n'est pas mis dans la bouche d'Emma, mais c'est peut-être la voix d'Emma qui est là dans le texte. Et inversement, Charles la regarde, elle lui dit « tu me chiffonnes ». On voit un peu Emma dans le regard de Charles, mais c'est aussi le regard ironique de Flaubert. Est-ce que la clé de l'écriture flaubertienne n'est pas cette indécision sur qui parle? Oui, effectivement, l'ironie flaubertienne repose en grande partie sur le procédé qu'il était le premier à utiliser systématiquement, ce qu'on appelle le discours indirect libre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est pour dire simplement lui qui parle, ou s'il se met dans la tête de son personnage. Et en étant dans la tête du personnage, ça lui permet de s'en moquer tout en donnant le sentiment d'être en empathie avec lui. Et c'est ça l'ironie flaubertienne. Alors, ce texte est absolument remarquable. En deux mots, vous avez cette femme qui va aller danser, qui est toute excitée, qui se met dans une belle robe. De l'autre, son brave mari, manifestement, qui n'est pas un Apollon et qui a le gros ventre qu'aura bientôt Flaubert, d'ailleurs, et qui dit « les sous-pieds vont me gêner pour danser hein, ». Les sous-pieds, c'est ces bandes de tissu ou de cuir qui passe sous la chaussure pour tendre le pantalon. Et on a cette phrase énigmatique, « le pantalon de Charles le serrait au ventre ». trois possibilités. Soit c'est le narrateur qui dit cela et qui informe le lecteur. Soit c'est le pauvre Charles qui se dit « Oh là là, j'ai un gros ventre !» mais qui n'ose pas dire à sa femme « J'ai un gros ventre !» et qui déplace le regard vers les pieds. Soit c'est cette pauvre Emma qui était toute belle dans sa glace et qui se tourne vers son mari « Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce bonhomme qui a un gros ventre ?» Et le bonhomme ne comprend rien, croit que c'est un problème de sous-pied alors que c'est un problème de gros ventre. Et l'ironie flaubertienne, c'est dans ces trois voies et qui chaque fois provoque de la part du lecteur un mouvement d'empathie possible et à la fois de moquerie à l'égard du personnage. Et c'est pourquoi, pour revenir à la réflexion précédente, on ne cesse de vouloir rire et de vouloir pleurer, en quelque sorte, lorsqu'on lit un passage comme celui-ci. Donc c'est ce qui vous arrive, là, Hélène Véron, lorsque vous lisez cette scène. Vous souriez beaucoup, quelque chose pleure en vous quand même Pas trop. Moi, j'ai de la compassion pour ce pauvre Charles, effectivement. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que, puisqu'on a accès à son point de vue aussi, on va effectivement éprouver de la compassion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble qu'il y a plusieurs ironies dans ce passage. Il y a cette phrase que vous avez analysée. C'est la plus explicite, hein, effectivement, avec ce Charles qui est dépareillé par rapport à Emma, mais il y a aussi une critique de l'ironie d'Emma, au fait. Parce que, par exemple, quand on a en même temps la ritournelle de violon et les sons d'un corps, ça renvoie à un imaginaire aussi des scènes romantiques, le fait qu'on ait les deux en même temps dans la même phrase. Oui. Là, il y a aussi une petite critique des fantasmes romantiques d'Emma et de tout ce qu'elle va projeter sur le bal et du bovarisme derrière. Donc, il y a toujours aussi plusieurs degrés d'ironie, plus ou moins explicite dans Flaubert. Alors, passons à l'éducation sentimentale, cet autre roman de Gustave Flaubert de 1869, où Frédéric est très amoureux de Madame Arnoux, qui est bien plus âgée que lui, qui n'est pas disponible. Et puis, à un moment du roman, elle devient veuve, et là, elle est disponible. Et là, c'est très très bizarre, mais Frédéric a envie de s'échapper. Son visage s'épanouit, et elle voulut savoir s'il se marierait. Il jura que non. Bien sûr. Pourquoi ? À cause de vous. Dit Frédéric, en la serrant dans ses bras. Elle y restait, la taille en arrière, la bouche entrouverte, les yeux levés. Tout à coup, elle le repoussa avec un air de désespoir. Et comme il la suppliait de lui répondre, elle dit en baissant la tête « J'aurais voulu vous rendre heureux. » Frédéric soupçonna Madame Arnoux d'être venue pour souffrir. Et il était repris par une convoitise plus forte que jamais, furieuse, enragée. Cependant, il sentait quelque chose d'inexprimable, une répulsion, et comme l'effroi d'un inceste. Une autre crainte l'arrêta, celle d'en avoir dégoût plus tard. D'ailleurs, quel embarras ce serait ! Et tout à la fois par prudence et pour ne pas dégrader son idéal, il tourna sur ses talons et se mit à faire une cigarette. Elle le contemplait, tout émerveillée. « Comme vous êtes délicat ! Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. » France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Là encore, une lecture à plusieurs voix par l'équipe d'Avec Philosophie de ce texte de l'éducation sentimentale, qui est terrible, Alain Vaillant. Là, si vous riez les uns et les autres, je n'y comprends rien. C'est d'une cruauté. Que se passe-t-il, en fait, Alain Vaillant ? Je suis d'accord. J'allais dire la même chose. Comment rire à cela ? Oui, tout le roman, c'est l'amour fou de Frédéric à l'égard de Madame Arnoux. Et quand enfin l'amour peut se réaliser, il la trouve trop vieille, tout simplement. Et non seulement il y a cette cruauté, effectivement, dans ce rejet, mais ce rejet, Madame Arnoux le prend comme une marque de délicatesse. Donc c'est vraiment une ironie au carré. Donc ça, c'est presque le dénouement du roman. Le deuxième dénouement, c'est la scène juste après. Vous avez Frédéric qui évoque, avec son ami Deslauriers, la scène d'adolescence où ils étaient allés dans une maison de plaisir, comme on disait. Dans un bordel. Aujourd'hui, oui. Et adolescents, ils ont un gros bouquet de fleurs que Frédéric a cueilli dans le jardin de sa maman. Et les femmes arrivent pour être choisies. Et ils ont tellement peur qu'ils s'enfuient. Et il dit, c'est ce que nous avons eu de meilleur, c'est-à-dire que l'amour pur, non consommé avec Madame Arnoux, est tout simplement comparé à cette relation sexuelle non consommée avec une prostituée. Donc c'est vraiment là de l'ironie au carré. Mais quand on sait que Flaubert, à cette époque, était en pleine dépression, on peut en tout cas imaginer qu'il mettait beaucoup d'âpreté et de tristesse dans cette ironie. Donc Frédéric est frustré, moqué dans ses fantasmes autour de Madame Arnoux qui n'arriveront pas à se réaliser parce que quand c'est possible, il la trouve trop vieille, il a peur de commettre une sorte d'inceste. Elle, elle est moquée parce qu'elle croit que enfin Frédéric va l'aimer et elle le laisse faire. Elle croit qu'il est délicat alors qu'il est en train de s'en aller. Et puis vous ajoutez que Deslauriers et Frédéric, pour finir, considèrent que ce qu'ils ont vécu de meilleur, c'était dans les bordels. Donc même pas avoir consommé au bordel. Hein, c'est même... Ah bon? Parce même que pas oui, avoir... c'est non, ça. Il n'y a jamais consommation. C'est ce que disait Alain Vaillant. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait sur l'ironiste qui veut. Jamais créé, jamais de contenu, et là, même pas de relation sexuelle. Quoi. Donc, rassurez-moi, là, vous riez quand vous... Ah oui, mais moi, je trouve ça savoureux, ce passage. Et elle est très flaubertienne. Tout à la fois, oui. Par prudence et pour ne pas dégrader son idéal. Elle est géniale, cette phrase, elle est tellement ironique. L'idéal, normalement, c'est censé être l'inverse de la prudence, c'est censé être le don de soi total. Et de l'associer, le fait de ne pas dégrader son idéal, l'associer à la prudence, ben, c'est tout le personnage de Frédéric qui ne franchit jamais le pas, qui ne consomme jamais, qui ne craint jamais. Là, alors, oui, pardon, elle a... Non, là, on est au cœur, vraiment, de la pensée de Flaubert. Pour revenir à ce que disait Sartre, tous les romans de Flaubert et tous les textes de Flaubert disent la même chose. L'homme ne peut être heureux que s'il est porté vers un idéal, que ce soit l'amour, le savoir, la poésie, mais cet idéal est inaccessible. Et que donc la seule façon de bien vivre est de ne pas accéder à cet idéal. Donc tous les romans de Flaubert sont des romans d'échecs, mais il n'empêche qu'on ne peut pas vivre sans se porter vers quelque chose dont on sait qu'il n'existe pas. C'est ce qu'on appelle le bovarisme, et c'était vécu par Flaubert comme une tragédie intime, c'est-à-dire cette contradiction constante entre le désir d'eux et la connaissance que l'objet de ce désir n'existe pas, oui, ou n'en vaut pas la peine. Il y a quand même une différence entre Emma qui essaye de vivre son idéal, même si ça peut être, si c'est de manière dégradée, qui se jette dedans jusqu'à se suicider, et Frédéric avec sa prudence, qui quand même va se retourner pour fumer sa cigarette. Vous voulez dire qu'il est plus médiocre qu'elle? Ah, complètement. Bah, il ne fait jamais rien. Et Frédéric. Plus drôle? Plus drôle, je ne sais pas, mais en tout cas, enfin, il loupe tout. Il loupe la Révolution, il loupe Madame Arnaud. Enfin, il manque tout le temps. Emma, elle manque, mais elle essaie. Ils n'ont pas le même rapport à l'idéal. C'est peut-être pour ça qu'on peut peut-être plus se projeter dans Emma et avoir plus d'empathie avec elle, à mon avis, hein, mais c'est mon avis de lectrice, que pour Frédéric. Alors, qu'on ne rit pas au bout d'un certain comique, je crois que Flaubert, ça ne le peinerait pas. Il écrit lui-même, en mai 1852, cette fois à Louise Collet, je cite, « Le comique arrivé à l'extrême, le comique qui ne fait pas rire, le lyrisme dans la blague, est pour moi tout ce qui me fait le plus envie comme écrivain. » Vous pouvez m'expliquer, Alain Vaillant, ce que ça veut dire, le comique qui ne fait pas rire, comique extrême, en quelque sorte, suggère là Flaubert? Oui, ça me fait penser à cette scène d'En attendant Godot de Beckett, où au début de la pièce, un des personnages veut uriner. Il a tellement envie qu'il ne peut plus. Et on pense que Beckett a beaucoup lu Flaubert et Bouvard et Pécuchet. Et c'est en gros cela, c'est que le sentiment d'ironie, de rire à l'égard d'un réel devient si intense, grossit en soi, au point qu'on ne peut plus rire. Et c'est tout à fait étonnant. C'est pas un comique qui ne va pas jusqu'au rire, mais c'est un comique qui va au-delà du rire. Il est tellement intense que on ne peut plus rire, tellement l'intensité rieuse est pleine. C'est tout à fait, c'est abyssal. Et en fait, nous ne faisons que de parler de cela depuis le début de cette émission. D'un rire qui est là, mais qui n'arrive pas à sortir. D'un rire rentré. Voilà, c'est ça l'ironie de Flaubert. Oui, exactement. Et qui vient encore une fois de ce contraste entre cette puissance d'idéal, de rêve, de création, et le réel tel qu'il est. Où il n'y a pas de possibilité de cette énergie pour se dissiper d'une certaine manière, même par le rire. En même temps, vous insistez souvent, Alain Vaillant, sur le fait que chez Flaubert, c'est peut-être d'ailleurs une distinction d'avec Sartre dans ses analyses, qu'il y a toujours de la tendresse dans la moquerie. C'est pourquoi il disait « Madame Bovary, c'est moi ». Enfin, que c'est, il y a toujours un mélange de pathétique et de presque tendre... et d'ironie, vous écrivez la haine du monde dissimulée derrière un amour de façade. Je me demande si c'est pas le contraire pour Flaubert, si c'est pas un amour dissimulé dans la haine du monde. Oui, il disait dans un autre texte, comment se fait-il que lorsque je pleure, je vais me regarder dans une glace pleurer pour rire en me regardant pleurer. Alors dans sa correspondance, il se compare souvent à un veau, je pleure comme un veau, etc. Et donc Flaubert était quelqu'un qui avait la larme facile. Et on voit bien, enfin, ce sont des phénomènes psychologiques que chacun connaît. Enfin, celui qui est ému par le monde a ses tendances à se réfugier derrière le rire et la moquerie. Et les deux choses sont présentes chez Flaubert. Et c'est justement en faisant des œuvres d'art qui arrivent à croiser les deux choses et à contribuer ensemble à un beau roman qu'il arrive à concilier, ce qui est une contradiction. C'est-à-dire que la création artistique lui évite d'être confronté à sa contradiction existentielle. Là, il y a, Véron, un dernier point sur Flaubert. Nous avons fait un épisode, nous, sur l'absurde et l'humour noir dans cette série sur l'humour. C'est difficile de cerner ce qu'est l'humour noir et peut-être que à certains moments de l'ironie flaubertienne, on passe précisément à l'humour noir. Il y a cette scène à la fin de l'éducation sentimentale où Frédéric est en ménage avec Rosanette, qui elle-même est, si je me souviens bien, l'ex-maîtresse de Monsieur Arnoux. Et ils ont un enfant qui meurt. Et là, il y a toute une discussion glauquissime sur qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? Est-ce qu'on l'embaume? Est-ce qu'on en fait un portrait? Flaubert écrit, il était une véritable nature morte, c'est terrible de dire ça d'un enfant mort. C'est tout à fait sinistre. Donc là, je ne sais pas si vous rigolez encore, là, il y a Véron. Ça me fait mais plaisir. Est-ce que c'est de l'humour noir, d'après vous? Oui, parce qu'il me semble qu'il y a aussi une scène de malentendu à ce moment. Il pleure, Frédéric, mais parce qu'il a encore manqué un rendez-vous avec Madame Arnoux. Et Rosanette croit qu'il pleure sur leur enfant mort. Donc il y a encore un décalage de compréhension, un peu comme dans l'autre extrait qu'on a lu. L'enfant mort, ça me fait penser aussi à Zola dans l'œuvre. Pour le coup, le peintre qui n'a jamais aimé son enfant et se dit, bah tiens, là, puisqu'il est mort, je pourrais peut-être en profiter pour le peindre. Donc oui, hein, c'est des scènes d'humour noir dès que ça joue sur la mort. Il y en a aussi la mort de Madame Bovary, hein, où elle vient d'avoir l'extrême onction. Charles se dit, bah peut-être qu'elle va être sauvée, qu'il va y avoir un miracle. Et puis tout d'un coup, elle a la langue qui lui sort de la bouche, les yeux qui se révulsent. Là, il y a une grande ironie aussi hein, par rapport à l'attente de Charles et puis peut-être aussi par rapport à des représentations religieuses d'une sorte de paix qui arriverait au moment de la mort. Donc oui, dès qu'on parle de ce genre de sujet, forcément, on va aller vers l'humour noir. Humour noir, Flaubert, Alain Vaillant. Oui, pour préciser cette scène, Frédéric en effet est triste parce que cette mort lui semblait annonciatrice d'un événement plus grave. C'est-à-dire qu'on voit bien que le père qu'il est assez indifférent à la mort de son enfant. Là, l'ironie est là, effectivement, c'est d'un humour absolument désespéré, oui, plus que noir en effet. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Nous parlons de l'ironie aujourd'hui, c'est le 4e épisode de notre série sur l'humour. Nous nous demandons si l'ironie est toujours drôle. Je suis en compagnie d'Alain Vaillant, qui connaît très très bien Flaubert. Et Laëlia Véron, c'est une spécialiste de Balzac, de l'ironie, mais on l'a aussi entendu, une grande amatrice de Flaubert aussi. Et ce sont des exemples évidemment savoureux, magistraux pour réfléchir à l'ironie. Alors l'ironie n'est pas toujours drôle, mais vous êtes battus tous les deux pour me faire entendre qu'il y a encore du sourire, même au fond du fond de l'ironie qui elle-même est au bord de l'humour noir chez Flaubert. Je voudrais maintenant qu'on revienne à cette notion d'ironie dans l'histoire, comment elle a été pensée philosophiquement. Alors, j'ai évoqué au début les Grecs anciens, je vous propose de les laisser un peu de côté, de passer immédiatement à l'époque moderne. Laëlia Véron, dans un article donc que vous avez fait paraître dans un collectif dirigé d'ailleurs, co-dirigé par Alain Vaillant, vous revenez sur un moment très important de l'histoire de l'ironie, qui le romantisme, l'ironie romantique, donc c'est avant Flaubert, c'est plutôt à la charnière de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, et notamment en Allemagne, un philosophe important qui s'appelait Friedrich Schlegel considérait que l'ironie était essentielle pour la constitution de la subjectivité romantique. Oh, que de gros mots. Expliquez-nous, s'il vous plaît, Laëlia Véron. Oui, Schlegel va définir l'ironie plutôt comme un état d'esprit, plutôt comme une disposition existentielle qui est très éloignée du rire, qui est un geste d'affirmation de soi en tant que sujet. C'est sa définition de l'ironie, donc qui ne va pas être liée à un contenu ou à une énonciation, mais une disposition existentielle. Et ce qui est intéressant, si on peut en parler tout de suite, c'est le débat avec Hegel, puisque Hegel a beaucoup critiqué, Schlegel a beaucoup critiqué cette vision de l'ironie, parce que dans cette posture de l'ironie comme négation permanente, qui va jouer sur la forme du paradoxe, pour Hegel, c'est une manière manière de jouir de soi au détriment de tout contenu porté à sa connaissance. C'est une posture qui justement ne veut rien créer. On retrouve les problématiques qu'on avait évoquées en début d'émission, de plus grand que soi et qui va se limiter à soi. Ce que Schlegel va présenter comme justement une manière de retrouver, d'affirmer une subjectivité existentielle, ben, pour Hegel, c'est un problème de se limiter justement à soi. Donc Schlegel et Hegel ont à peu près le même âge, ils font partie quand même d'une génération, oui, fortement marquée par le romantisme, même si Hegel, à beaucoup d'égards, va, comme vous venez de le dire, sortir de cela, mais je voudrais mieux comprendre leur engueulade, si je puis me permettre. Alain Vaillant, quel est le problème? Schlegel suggère-t-il que être ironique, il faut l'être tout le temps, à l'infini, surtout que c'est ça l'acte de liberté du sujet, d'affirmation de soi, au risque évidemment de ne jamais rien embrasser. On critique, on fait l'écart critique permanent, c'est vertigineux, et à la fois c'est très intéressant comme position existentielle, mais on comprend bien que Hegel à un moment puisse s'y opposer. Oui, pour comprendre l'importance de cette tradition allemande, il faut bien avoir à l'esprit que dans l'Europe du XVIIIe siècle, le pays spécialiste de l'ironie, c'est la France. Et oui, Voltaire, la France, oui, là, voilà, Candide. La France est fière de son ironie. Les lettres persanes de Montesquieu. C'est le pari de l'esprit, c'est-à-dire une ironie qui sait quelle est sa cible et qui utilise l'ironique comme une arme. Dans une société aristocratique, celle de l'Ancien Régime. Et c'est vrai pour les Allemands comme pour les Anglais, ils trouvent cette ironie française persifleuse très superficielle, n'allant pas à l'essentiel et n'accédant pas à la compréhension réelle de ce qu'est la subjectivité pour Schlegel ou l'être pour Hegel. Mais tous les philosophes allemands de cette époque redéfinissent l'ironie contre cette ironie à la française. Très limité. Si on résume leur opposition, je dirais que pour Schlegel, voilà, c'est la manière d'accéder à la subjectivité de manière existentielle et c'est une liberté. Et pour Hegel, au fait, ce n'est pas une liberté, c'est un badinage frivole et limité qui est très narcissique en réalité. C'est ce qu'on appellerait un petit connard maintenant actuellement. Ou un petit dandy pour parler comme l'époque. Exactement, l'incarnation de ça, c'est le dandy, hein, effectivement, qui fait de lui-même et de sa manière de s'habiller, de se déplacer une œuvre d'art, hein, constamment ironique. Lui, il se prend au sérieux quand même. Il se prend au sérieux dans le fait d'être à soi-même sa propre fin, en quelque sorte, d'être à soi-même son propre spectacle et d'être tourner en rond sur lui-même. Mais il va afficher une posture constamment ironique et constamment décalée. Et puis, il y a la question de la forme. Pour Schlegel, justement, l'incarnation de cette ironie, c'est le paradoxe, parce que le paradoxe permet de ne jamais choisir, de toujours remettre en question, et ce serait une affirmation de la liberté, justement, oui, de ne jamais avoir de limite. Et pour Hegel, justement, ce paradoxe-là, ce n'est pas une liberté, c'est une frivolité, et c'est refuser tout esprit de sérieux et de contenu. Et en plus, vraiment, pour Hegel, c'est aussi une manière de mépriser les autres. Alors on écoute, si vous le voulez bien, la critique de l'ironie romantique vertigineuse version Schlegel, critique donc par Hegel dans ses leçons d'esthétique. Selon le principe ironique, je vis en artiste si toutes mes actions, et en général mes extériorisations, pour autant qu'elles concernent un contenu quelconque, restent pour moi une simple apparence et adoptent une figure qui est à mon entière discrétion. Dès lors, je ne prends véritablement au sérieux ni ce contenu, ni son extériorisation, ni son effectivation. Car le sérieux véritable n'intervient que moyennant un intérêt substantiel, une chose en elle-même consistante. La vérité, le souci éthique, etc. Bref, un contenu qui, en tant que tel, vaut déjà pour moi comme essentiel. Si bien que je ne deviens essentiel pour moi-même à mes propres yeux qu'à partir du moment où je me suis plongé dans un tel contenu et me suis rendu adéquat à lui dans tout mon savoir et toute ma conduite. Dès lors, la virtuosité de cette vie ironico-artistique se conçoit elle-même comme génialité divine. Génialité aux yeux de qui toute chose n'est qu'une créature privée d'essence à laquelle le libre créateur, qui se sait quitte et détaché de tout et dès lors qu'il peut tout aussi bien la détruire que la créer, ne se lie pas. Celui qui s'est installé dans la perspective de la génialité divine jette ensuite des regards condescendants sur le reste de l'humanité, dont il décrète qu'elle est bornée et vulgaire puisqu'elle persiste à voir dans le droit le souci des bonnes mœurs, etc., quelque chose de consistant, de contraignant et d'essentiel. Telle est la signification générale de la divine et géniale ironie, de cette concentration en lui-même d'un jeu pour qui tous les liens sont rompus et qui ne peut vivre que dans les délices de la jouissance de soi. Un texte de Hegel, donc, critique de l'ironie romantique, en tout cas dans sa version systématique, que semblait défendre son ami ou rival Schlegel. Votre commentaire, Alain Vaillant ? Oui, là, on a l'illustration d'un débat. Faut-il sauver le soldat ironie, si je puis dire ? Exactement. Reprenons, c'est ce modèle de l'ironie à la française, qui est vraiment le repoussoir absolu. Les ironistes allemands veulent sauver l'ironie par la théorie du fragment. C'est, il n'y a pas de vérité, l'être et le non-être se mêlent, et donc l'ironie est une conscience supérieure de l'être. Et donc on ironise, mais on n'a plus de cible précise, et l'ironie devient divine, comme le dit Hegel. Hegel, lui, ne veut pas du fragment, il construit un système philosophique. On ne peut pas construire un système avec de l'ironie. À un moment, l'ironie, il faut être sérieux, c'est ça. L'ironie est du côté de la critique, de l'esprit critique et de l'esprit des Lumières, en effet. Et donc, c'est toute la question de la philosophie du XIXe siècle. Est-elle une philosophie fragmentaire, celle de ce qu'on appelle les romantiques allemands, ou une philosophie du système? Mais les philosophes du système ne peuvent pas être ironiques parce qu'évidemment, l'ironie est dissolvante. Mmh. Et dans les deux cas, on voit très bien comment l'ironie pourra s'appliquer au système de Hegel, à la langue de Hegel, à la totalisation des savoirs, de l'histoire, etc. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose de sérieux chez Hegel qui ne va pas avec l'ironie romantique comme attitude permanente. La notion de système de pensée ne peut pas être ironique, et c'est pourquoi l'ironie est un instrument d'écrivain ou d'artiste, plus que de philosophe. Alors justement, revenons aux artistes et écrivains, parce que ça va revenir la balle qui venait de la France, l'ironie du 18e, qui est radicalisée par les romantiques allemands, critiquée ensuite par Hegel, cette ironie romantique de Schlegel. Et bien, on revient en France. Balzac a une trentaine d'années de plus que Hegel et Schlegel. Il est né en 1799, et Flaubert est encore de la génération d'après, puisqu'il naît en 1821. Comment ces romanciers qui manient l'ironie, on va parler maintenant un peu de Balzac, entendent cette querelle allemande? D'abord, la connaissent-ils? Alors, ils sont marqués, en tout cas, par cette querelle-là, par ces influences-là. Et je pense qu'il faut aussi distinguer dans leur production différents types de production. Par exemple, Balzac a aussi été journaliste. Et il va avoir, à des moments, une pratique d'une ironie plus du fragment, des fois dans ses pratiques journalistiques. Dans sa pratique de romancier, il va y avoir différents types d'humour et différents types d'ironie. Et ce qui est intéressant, par exemple, quand on prend Illusion perdue, une des œuvres les plus connues de Balzac, c'est justement comment il arrive à faire œuvre, justement, on va vers le contenu, vers quelque chose qui est créé, il arrive à faire œuvre en mettant en scène des personnages qui n'arrivent pas à faire œuvre, qui font du fragment, qui font de l'ironie permanente et qui n'arrivent pas, comme Lucien de Rubempré, ni à faire œuvre, ni finalement avoir une position politique cohérente. Et c'est justement dépassé par la construction de l'œuvre, cette ironie finalement assez stérile. Donc Balzac, je ne sais pas si l'un et l'autre vous savez à quel point il avait lu Schlegel et Hegel. Qu'est-ce que vous en pensez, à Alain Vaillant ? En deux mots, les Français connaissent très mal la philosophie allemande, ils ne la comprennent pas. Oui. Et en réalité, ce qui s'est passé chez nous au XXe siècle, c'est qu'on a relu le romantisme français à la lumière des romantiques allemands. Ah. Mais d'un point de vue historique, c'est une fiction. Ce que connaissent les Français, c'est l'Angleterre et la culture anglaise. D'accord. Le reste, c'est l'importance de la philosophie allemande dans la philosophie française universitaire en particulier depuis un siècle, qui fait qu'on a accordé une très large place. Ce qui est vrai, c'est que l'on trouve chez les romantiques allemands et chez les Français une forme d'ironie qui ressemble, chez Flaubert par exemple et chez les romantiques allemands, parce que c'est un trait d'époque et ça correspond à l'évolution de la pensée. Oui, ça ressemble à ce que dit Schlegel, fait Flaubert, l'ironie systématique. Et je dirais que ça tomberait certainement sous les flèches codines de Hegel. Oui, alors effectivement, c'est pas du fragment, mais je dirais de façon générale, lorsqu'on trouve en deux points de la culture un même énoncé idéologique, c'est généralement qu'il y a une source commune et non pas que l'un influençait l'autre. Et donc, je crois que très souvent, on fait une petite erreur de méthode et un peu de paresse intellectuelle. Donc, en laissant de côté le débat allemand, qu'on a néanmoins déplié ici pour comprendre les enjeux philosophiques, revenons donc aux Français. Balzac, plus de 20 ans avant Flaubert, il est ironique, beaucoup, un peu, pas trop. De quelle façon, Laëlia Véron ? Balzac est un auteur très drôle, ce qu'on ne sait pas souvent parce qu'on connaît souvent de manière un peu scolaire ses grandes descriptions et qu'on l'associe à un réalisme sérieux. Mais il va mettre en scène plusieurs types de drôlerie, de rire dans ses œuvres. Et il peut aussi bien y avoir un humour très grivois, très grossier de base, avec des petits jeux de mots, notamment sur Madame de Beauséant, hein, c'est quand même Madame qui belle fesse, hein, par exemple. Des traits d'esprit subtils, brillants, méchants, de journalistes dans Illusion perdue. De l'humour noir, par exemple, dans Le cousin Ponce, quand tout le monde essaie de disséquer le cadavre de Ponce. Donc il y a différents types d'humour et d'ironie chez Balzac. Il y a aussi ce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est un procédé ironique presque classique. Il y a des antiphrases chez Balzac, par exemple, lorsque Rastignac déclare que Madame de Cadignan est une femme bien extraordinaire, alors que justement il veut dire que c'est une coquette banale. On dit le contraire, c'est un procédé classique de l'ironie. Oui, quand on pense ironie, on pense souvent antiphrase, hein, donc le fait de dire le contraire de ce qu'on pense. Là, l'extrait que vous citez, c'est quand il se moque de D'Arthès qui est amoureux de la princesse et qui dit « Ah, c'est une femme extraordinaire ». Il lui répond « Ouais, ouais, bien extraordinaire ». Donc voilà, antiphrase ironique, mais l'ironie peut prendre bien, bien d'autres formes. Alors, le cousin Ponce que vous évoquez, moi, ça vous fait rire, le cousin Ponce ? C'est terrible, c'est une tragédie, coup, c'est une comédie affreuse, dit Balzac lui-même, de la mort d'un célibataire livré par la force des droits, des choses, pardon, à la capacité de nature cupide qui se groupe à son lit. En gros, c'est un musicien qui vit d'ailleurs avec un pianiste, plus âgé que lui. Ils sont un petit peu invités partout, bon. Et puis tout le monde découvre quand même qu'il y a un peu de richesse dans les objets de ce cousin Ponce. Et on se bagarre pour avoir sa succession. C'est d'un sordide achevé. La dame concierge qui s'occupe d'eux, la Cibot, en fait, les soigne de moins en moins, essaye d'avoir un bout de l'héritage. Dans le cousin Ponce, on trouve cette phrase, madame, avec encore une antiphrase. Madame de Marville remerciait Dieu d'avoir placé près de Ponce une femme, donc la Cibot, qui l'en débarrasserait honnêtement. Oui. Antiphrase, parce que c'est vraiment avec la malhonnêteté la plus crasse qu'elle opère. Oui. Et en fait, c'est intéressant parce que d'ailleurs, le mot honnêtement est mis en italique pour nous indiquer qu'il y a quelque chose à aller creuser. Honnêtement, dans ce sens qu'elle, elle n'aura pas à se salir les mains. Quelqu'un d'autre va le faire pour elle. Donc, c'est à la fois à prendre au sens antiphrastique et au sens propre. Elle peut avoir son cousin qui va mourir sans qu'elle-même n'ait rien à faire et elle va pouvoir avoir son héritage. Donc, ce n'est pas honnête au sens moral du terme, mais elle-même ne se mouille pas. Donc, vous voyez, le mot aussi est à la fois antiphrastique, à la fois voit plus loin que l'antiphrase parce qu'il y a bien une stratégie, un calcul. Mais je suis d'accord avec vous que, pour le coup, c'est effectivement le cousin Ponce, quelqu'un que tout le monde a laissé tomber. Au départ, c'est un peu un picassiette, personne ne veut le recevoir chez soi. Et puis au moment de sa mort, quand on se rend compte que sa collection peut valoir beaucoup d'argent, chacun veut récupérer un morceau de son cadavre. Et d'ailleurs, les gens sont comparés à des corbeaux qui viennent prendre un petit bout. Et même lorsqu'il est mort, vraiment, il y a des rapaces autour du cadavre. C'est très, très noir. Il y a une petite tendance parfois à dire, voilà, ou Balzac ou Flaubert, les amateurs se divisent. Mais au fond, là, on voit une incroyable continuité, Alain Vaillant. Oui, et le cousin Ponce, comme la cousine Bette, ce sont justement les romans qu'on aimera après. Zola n'aimait pas beaucoup Balzac, mais exception pour ces deux romans, parce qu'on est très près, effectivement, d'un glauque flaubertien. À une exception près dans le cousin Ponce, ce qui est très très drôle, c'est le baragouin du pianiste, cet allemand matiné de français, et qui à la lecture est vraiment drôle. Il y a chez Balzac, la grande différence du point de vue du rire avec Flaubert, c'est que le rire de Balzac est assez proche des sources traditionnelles du rire, donc c'est le rire de la blague, de la farce, c'est le rire rablaisien, où l'ironique est une ironie du mot d'esprit, ironie 18e siècle, dans les dialogues. Donc on est vraiment dans une tradition très, très franco-française dans ce rire balzacien, et c'est un rire qu'on entend. Vous avez dit au début, avec raison, que l'ironie ne fait pas rire, mais celui qui ironise ne peut pas rire, parce que s'il riait, il dénoncerait la pratique ironique. L'ironie, c'est un rire caché, et par nature, et pas fonctionnellement. Oui. Le rire balzacien est un rire beaucoup plus sonore, si je puis dire, et qu'on perçoit dans les œuvres. Plus donc sonore que celui de Flaubert, vous voulez dire, qui pourtant est plus radical. Non, il est, c'est un rire qui relève du comique, qui relève du mot d'esprit, qui relève du calembour. Il y a plein de calembours chez Balzac. Plus de l'ironie. L'ironie, par nature, est dissimulée. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, mais il y a aussi la question de la réception. Vu qu'on a Balzac comme auteur sérieux, des fois on ne va pas voir des gros calembours qui sont dans le texte. Madame de Beauséant, c'est dans Le Père Goriot, c'est une œuvre extrêmement étudiée dans le secondaire. Je ne suis pas sûre que le calembour soit relevé et qu'il soit vu à la fin d'Eugénie Grandet. On dit que Madame Beauséant, c'est Madame Belfesse. Ah oui, oui, je ne suis pas sûre que ce soit relevé. Peut-être que ça manque dans le secondaire, je ne sais pas. Et bien justement, par exemple, la fin d'Eugénie Grandet, il y a quand même des calembours grivois de base. Elle reste vierge malgré ses multiples mariages. Et c'est Madame de Froidfond, Madame de Bonfons, enfin, donc vraiment il y a des petites blagues là-dessus. Je suis quasiment sûre que très souvent elles ne sont plus entendues parce qu'on a cette réception de Balzac comme auteur sérieux. Oui, c'est tout à fait juste. Et on peut en dire autant dans des blagues chez Flaubert, chez Victor Hugo, chez Baudelaire. Mais ça, c'est le problème de l'école, en effet. Et de la canonisation. Quand on a des grands auteurs, on pense forcément qu'ils ne sont pas drôles. En revanche, on peut penser que les contemporains, beaucoup des contemporains, voyaient ces calembours cachés. Mais nous avons une lecture totalement déréalisatrice, enfin, et absurde, de toutes ces œuvres du XIXe siècle, qui sont presque toujours des œuvres drôles. Tous les grands écrivains du XIXe siècle aiment le rire, aiment la blague, aiment le calembour autant que l'ironie. Mais ça, c'est une vaste question. Alors, je voudrais quand même revenir au problème que soulevait Hegel par rapport à Schlegel, c'est-à-dire trop d'ironie finit par devenir vertigineux. On rit tout le temps, donc peut-être qu'on ne rit plus. On est méchant en permanence. Aucun contenu ne trouve grâce à nos yeux. Puis il y a notamment une méchanceté que certains auteurs contemporains ont noté dans l'ironie. Annie Ernaux, par exemple, trouve que l'ironie est une chose typiquement bourgeoise ou de milieu élevé à l'égard de milieux populaires. Les milieux populaires rient, les milieux bourgeois ont tendance à ironiser et finalement elle déteste ça, en tout cas dans un certain moment de son itinéraire artistique. Oui. Là, il y a Véron. C'est quelque chose qu'Annie Ernaux a théorisé. Alors, je ne sais pas si c'est une question de méchanceté, mais effectivement, elle va l'associer à des classes sociales. Et elle va associer son propre choix de ne pas écrire avec ironie, en tout cas à ce qu'elle dit, et à un moment de son œuvre, comme vous le disiez, à un choix politique. C'est ce qu'elle va théoriser dans La Place, qui est une de ses œuvres la plus célèbre, où elle parle de son père, en disant qu'elle refuse l'écriture du roman, c'est-à-dire du roman traditionnel, et notamment la dérision jubilante. Et au fait, ce qu'elle refuse avec l'ironie, c'est le principe de connivence. Parce qu'avec l'ironie, on a ce petit sourire entendu si on a la référence. C'est très souvent lié à une connivence, à des références communes. Et elle refuse l'ironie parce que pour elle... Vis-à-vis du milieu dont elle provient, on elle parlerait dit... aujourd'hui d'un transfuge de classe, et devenue en quelque sorte une artiste, une écrivaine, oui. Elle n'a pas du tout envie de peindre le milieu d'où elle vient, populaire, sur un mode ironique, et déjà, quand elle fait ses études, elle sent qu'il faut arrêter avec cette ironie. Je vous propose d'écouter quelques lignes de La Place, ce roman d'Annie Ernaux de 1983. Une photo de moi, prise seule, au dehors, avec à ma droite la rangée de remises, les anciennes accolées aux neuves. Sans doute n'ai-je pas encore de notion esthétique. Je sais toutefois paraître à mon avantage. Tourner de trois quarts pour estomper les hanches moulées dans une jupe étroite, faire ressortir la poitrine, une mèche de cheveux balayant le front. Je souris pour me faire l'air doux. J'ai 16 ans. Dans le bas, l'ombre portée du buste de mon père qui a pris la photo. Je travaillais mes cours, j'écoutais des disques, je lisais, toujours dans ma chambre. Je n'en descendais que pour me mettre à table. On mangeait sans parler. Je ne riais jamais à la maison. Je faisais de l'ironie. C'est le temps où tout ce qui me touche de près m'est étranger. J'émigre doucement vers le monde petit bourgeois, admise dans ces surbooms dont la seule condition d'accès, mais si difficile, consiste à ne pas être cucu. Tout ce que j'aimais me semble péquenaud. Luis Mariano, les romans de Marianne Desmarais, Daniel Gray, le rouge à lèvres et la poupée gagnée à la foire qui étale sa robe de paillettes sur mon lit. Même les idées de mon milieu me paraissent ridicules. Des préjugés, par exemple, la police il en faut. Ou, on n'est pas un homme tant qu'on n'a pas fait son service. L'univers, pour moi, s'est retourné. Anna Fulpin lisait cet extrait d'Annie Ernaux dans La Place, ce roman de 1983. Alain Vaillant, votre commentaire. Je voulais revenir d'un mot sur la question du rapport entre l'ironie et l'absence d'ironie en littérature. Moi, j'ai admiré Flaubert absolument jusqu'au jour où j'ai lu tardivement l'œuvre de George Eliot, puis ensuite Thomas Hardy, et j'ai découvert un réalisme qui ne faisait pas rire. Il y a eu un article célèbre de Thibaudet, est-ce qu'il faut préférer le réalisme ironique à la Flaubert ou le réalisme sérieux à la George Eliot? C'est une vraie difficulté. Quelle est votre réponse à vous? Eh bien, moi, j'ai découvert tardivement que, disons que la culture littéraire française, au XIXe siècle comme au XVIIIe siècle, comme continuait à trouver sa supériorité dans sa capacité à se moquer du monde. Et finalement, j'ai de plus en plus une tendresse pour les auteurs qui prennent le risque d'être sérieux, c'est-à-dire qui ne veulent pas se réfugier derrière l'intelligence que l'ironie confère immédiatement à l'écrivain. Donc en refusant l'ironie, bon, c'est vrai que ça peut paraître bizarre de la part d'Annie Ernaux, parce que l'ironie a servi à dénoncer le monde bourgeois. Mais ce qu'elle rappelle, au fond, c'est que c'est vraiment typique de bourgeois qui dénoncent le monde bourgeois ou d'autres mondes. D'ailleurs, Flaubert, en fait, comme l'a dit Sartre, la boucle est bouclée au début de cette émission, Sartre, que nous écoutions, disait Flaubert est un bourgeois qui critique les bourgeois. L'ironie est-elle bourgeoise, là, Elia Véron? En tout cas, Annie Ernaux, effectivement, ça va rejoindre ce qu'on a dit, ne veut pas se mettre dans une certaine tradition, qui est une certaine tradition de la grande littérature française, de l'ironie satirique. Donc, au fait, en refusant l'ironie, qui, selon elle, est un marqueur de classe, elle refuse aussi une certaine vision de la littérature traditionnelle. C'est le geste est commun chez elle lorsqu'elle dit qu'elle veut écrire quelque chose en dessous de la littérature. C'est aussi pour cela qu'elle ne veut pas prendre l'ironie, qui est un marqueur constant, effectivement, d'une certaine littérature devenue canonique. Et donc, effectivement, elle va associer l'ironie non seulement à des classes, mais à des choix politiques, et elle déclare qu'elle ne veut pas, en parlant de son père issu d'un milieu dominé, utiliser une ironie qui ferait une complicité avec le lecteur bourgeois. Et donc, elle va forger cette fameuse écriture plate. Après, c'est à nuancer, hein, ça a été montré notamment par le chercheur Frédéric Martin-Achard, puisque elle va, la profession de foi est très forte, très binaire et explicite, mais dans sa propre pratique, ça va être plus complexe et elle va revenir d'ailleurs à l'ironie, peut-être elle-même en devenant une autrice de plus en plus canonisée, par exemple dans les années. Alors, on n'a pas le temps d'en parler, mais effectivement, on ne peut pas réduire non plus l'ensemble de l'œuvre d'Annie Ernaux à ce moment où elle critique l'ironie comme étant quelque chose de bourgeois, même si ça a pu servir à critiquer la bourgeoisie. Et pour clore cette série sur l'humour, dont le dernier épisode aujourd'hui a été consacré à l'ironie, vous écoutez Mongoloïde de Devo. C'était sur leur album de 1978, Are We Not Men? Je vous remercie infiniment Alain Vaillant et Laila Véron pour vos analyses, notamment sur Balzac et Flaubert, mais pas seulement. On a parlé de l'ironie en général et de ses diverses théorisations. À présent, je vous suggère d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui nous parle cette semaine de la question et du mystère. Voici le pourquoi du comment. Comment résoudre une énigme ? Dans la typologie des questions humaines, dans l'espace de l'interrogation des êtres humains sur le monde, il y a des types de questions qui n'ont pas bonne presse, en tout cas parmi les philosophes, qui semblent réduites à des jeux de l'esprit, parfois des jeux très importants, qui ont des véritables enjeux, avec des choses très concrètes, mais en tout cas qu'on dévalue par rapport aux grandes questions métaphysiques. Ces questions, on peut les appeler des énigmes. L'énigme étant quelque chose de compliqué à découvrir, une question un peu difficile, mais une question purement technique, une question avec quelque chose comme un secret à découvrir. Et Vladimir Jankélévitch distinguait à bon droit le secret qui a une réponse objective. La chose est cachée ici ou là. L'assassin est un tel ou une telle, par opposition au mystère, au problème métaphysique qui, lui, n'a pas de réponse, qui est dans la profondeur même de la question. Mais l'énigme est toujours dévaluée. L'énigme, c'est pour Sherlock Holmes. L'énigme, c'est pour les enfants. L'énigme, c'est quelque chose qui est de l'ordre du jeu ou de l'enquête ou de la technicité pure, alors que peut-être, au fond, l'énigme nous rappelle quelque chose de fondamental dans notre rapport au questionnement. Qui a été l'assassin ? En effet, nous nous exerçons à résoudre les énigmes du monde parce que les questions sont à la fois graves, vitales et ont quelque chose pour l'esprit d'un entraînement, d'une méthodologie de l'énigme, d'un apprentissage qui a quelque chose, et oui, de ludique. Quand Georges Perec construit des énigmes, des jeux, quand il nous apprend aussi dans les mots croisés, à résoudre une définition de Georges Perec, c'est toujours une énigme, je vous renvoie à ces extraordinaires mots croisés. Quand nous avons résolu une définition de Georges Perec, par exemple, ou d'un bon cruciverbiste, alors nous nous tapons sur le front et nous disons « Ah oui, c'était donc ça ». Et donc, l'énigme est aussi notre rapport ludique à la question, nous jouons avec les questions et cet espace du jeu nous apprend à maîtriser à la fois la détresse originaire de la question « Pourquoi suis-je au monde ?» mais aussi « Où suis-je ?» Comment vais-je m'orienter quand je suis perdu, en détresse, quand je n'ai plus de réponse ? Eh bien, il y a aussi cet apprentissage de la recherche qui, avec le jeu, avec aussi la littérature, avec le cinéma, avec l'entraînement collectif à résoudre les énigmes, nous permet de ne pas être perdu dans le monde. L'énigmatique, ce n'est pas justement le mystère, à moins qu'il soit délibérément entretenu. Nous pouvons percer les énigmes, nous pouvons résoudre des interrogations très concrètes, et ce jeu de l'esprit de résoudre des énigmes n'a pas quelque chose de secondaire, mais est une manière, au contraire, de s'orienter dans le monde. Ne méprisons pas donc ces enquêtes policières. Elles peuvent parfois avoir quelque chose de très réel. Il y a des énigmes qu'il faut résoudre concrètement. Comment est née la pandémie de Covid ? Comment peut-on résoudre des problèmes très concrets concernant le changement climatique ? Formuler des problèmes un peu pointus sous forme d'énigmes concrètes que nous cherchons collectivement à résoudre. Nous menons des enquêtes très précises, des énigmes très techniques pour des mathématiciens, des conjectures, comme on dit aussi. Voilà, dans la typologie des problèmes, l'énigme, la conjecture, l'hypothèse, l'enquête, à la fois sérieuse, policière et fictive, dans les romans ou dans les jeux, ces énigmes sont un apprentissage de la question et de la réponse parmi les êtres humains. Merci Frédéric Worms. Les références des travaux de nos invités d'aujourd'hui sont sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Anna Feulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Louise Labarthe, Chaï Magiboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.